Va voir un roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise. Il y a quelqu'un. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoûté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission. Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qui te fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais il n'y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission. Fadjet. Que la fête commence, les amis! Au programme de cette émission, un petit dessin animé, un peu de jeux vidéo, et puis une série française d'Amazon Prime dans quelques instants, où je vous emmènerai dans l'univers d'Ourika. Mais on commence avec un coup de cœur. J'espère que vous le connaissez. Si vous le connaissez, eh bien, vous avez sans doute passé beaucoup de temps sur YouTube, sur Instagram, à écouter son humour déguisé en Sylvie, entre autres, avec ce personnage de femme au foyer qui rivalise et qui commente sa vie au quotidien. Il s'appelle Matistor et il a eu envie de chanter. Et il a fait cette chanson qui est entêtante, qui mériterait de se retrouver dans les classements. À la même hauteur peut-être que Pierre Garnier, mais bon, voilà, c'est dans un autre genre, hein, c'est de l'humour. Mais c'est très très drôle et la musique est d'une efficacité. Et donc voilà cette jeune demoiselle, jeune femme, mère de famille qui a envie d'aller danser. Et danser avec son cardigan, ce joli petit dessus. Voici donc Matistor et j'espère que vous le retrouverez très vite dans la programmation de Fadjet. Hé hey, monsieur le DJ, vas-y, balance la sauce. Et je parle pas de béchamel. Hey! Les enfants sont couchés, j'ai fini de nettoyer. Envie de tout plaquer, torchon, chiffon, j'en vois valser. Un coup de fil, copine, serre-moi un verre de gin. Direction le dancing avec Véro et Caroline. Qu'une envie me trémousser, plus envie de récurer. Oui, je vais tout oublier. DJ, tu dors? Plus fort! Avec mon cardigan, comme si j'avais 20 ans. Complètement barge, j'oublie mon âge. Boniche finie, j'dévergondage. Moi, tout ce que je veux, ouais, c'est juste danser. Comme Dizzy Jones, j'ai mangé, ouais. Avec mon cardigan. Avec mon cardigan, ça groove ça jusqu'à Guingamp. Passe-moi le mégaphone, j'ai de faire danser le Madison. Fini d'être une potiche, encore moins une gotiche. Ce soir, c'est moi qui mixe polyvalente, j'suis thermomix. Trémousser, plus envie de récurer. Oui, je vais tout oublier. Bon DJ, tu dors ou quoi? Plus fort! Avec mon cardigan, comme si j'avais 20 ans. Complètement barge, j'oublie mon âge. Boniche finie, j'dévergondage. Moi, tout ce que je veux, ouais, c'est juste danser. Comme Dizzy Jones, j'ai mangé, ouais. Avec mon cardigan. DJ, t'es fatigué? Pas moi! On va leur montrer comment on funk groove rock! Potiche, potiche, boniche, finish. Potiche, potiche, boniche, finish. Potiche, potiche, boniche, finish. J'ai dit funk groove rock! Ce soir, j'ai envie de me faire dégivrer le congélo. Oh, waouh! Ce soir sur le dance floor, oui c'est hardcore. Oui, j'ai le feu dans tout le corps. Avec mon cœur, avec mon cardigan. Comme si j'avais 20 ans. Complètement barge, j'oublie mon âge. Boniche finie, j'dévergondage. Moi tout ce que je veux, ouais, c'est juste danser. Comme Dizzy Jones, j'ai mangé, ouais. Avec mon j'avais 20 ans. Complètement barge, j'oublie mon âge. Bonne nuit, fini, j'ai fait mon âge. Moi, tout ce que je veux, ouais, c'est juste danser. Un 18 jeunes, j'ai mangé, ouais, avec mon cardigan. Complètement barge. Eh oui, complètement barge, c'est Matistore. Et franchement, je vous encourage à taper Matistore sur Insta, sur tous les Facebook, sur tous les, voilà, les sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, et n'hésitez pas à liker cette chanson et puis à écouter, bien sûr, toutes ces petites scénettes qui durent quelques minutes et qui racontent la vie de cette brave Sylvie qui vit sa vie de famille. Voilà. Et ce titre mériterait les hauteurs des classements. Allez, sans plus attendre, parlons d'une série d'Amazon Prime qui s'intitule Ourika 2005. Dans une cité de la banlieue parisienne aux proies aux émeutes, la famille Djebli règne en maître sur le trafic de cannabis. Alors que les quartiers s'embrasent, un grand coup de filet des stupes fait exploser le camp. Driss, le plus jeune fils, est contraint de reprendre l'affaire familiale alors qu'il se destinait à une carrière dans la finance. Face à lui, William, un flic de quartier débutant et ambitieux qui est déterminé à le faire tomber. Leur ascension parallèle fulgurante va changer leur destin à jamais. Leur lutte acharnée les mènera des banlieues jusqu'à la vallée de l'Ourika. Driss. Je serai pas la femme de trafiquant. Ah, tu sais très bien que c'est pas la vie que je veux, ça. J'ai rien à voir avec mon frère. Ça veut dire quoi? Tu pètes la grosse tête du quartier et celui qui fait manger tout le monde? Tu l'as fait, mon gars. C'est beau, l'ambition. Mais mélange pas ça avec l'orgueil, d'accord? Je veux juste faire mon travail, c'est tout. Rapprochez-vous et zoomez. Constatez que c'est jamais. Mais je croyais qu'il était clean. Tu sais très bien que je dois aider mon frère. L'école de la coke pour éponger tes dettes. Vas-y, tue-moi. Un homme mort, c'est un homme qui te rapporte rien. Alors écoute, Djebli a bien grandi. Hein. Tu veux avec ton frère en associé maintenant. Faut s'ouvrir, faut évoluer. Et Djebli part au Maroc. Fais tes bagages, tu pars avec moi. Ils fournissent de gros trafiquants en France. Mais quoi, tu voulais pas jouer dans la cour des grands, toi? Ça finira jamais, Driss. C'est ma famille. Je fais ce que j'ai à faire. Comme un vrai voyou. Ils emploient des méthodes de mafieux. Risque-moi, c'est ma vie que je risque. Ma vie. C'est quoi ton plan? On va terminer ce qu'on a commencé. Quand un ancien policier et un rappeur à succès s'associent pour créer une série, eh bien ça peut donner cela, ça peut donner Ourika. En effet, ami depuis plusieurs années, Clément Godard, qui est un ancien flic, et Booba, qui n'a rien à voir avec le petit ourson de jadis, mais Booba, le rappeur bien connu, décide de raconter ici une histoire simple mais efficace, celle de l'ascension d'un jeune flic et en parallèle un jeune voyou dont les destins sont liés à jamais. Cette série est inspirée de faits réels, notamment l'affaire François Thierry et les dérives de la lutte anti-drogue. Ourika s'appuie sur un sujet de société documenté ainsi qu'une réalité du terrain et de la vie en banlieue. Et donc voilà, ces deux personnages, ces deux amis, Clément Godard et Booba, vont s'associer dans cette série pour donner vraiment quelque chose de vraiment sensationnel. Dès les premiers épisodes, on va sentir l'ambition, on va sentir la tension et les rapports entre les deux personnages. L'action, bien sûr, est évidemment au rendez-vous avec une mise en scène musclée signée Marcel Assaïd, que l'on a vu dans Gang of London ou aussi dans Lupin, excusez du peu. Et aussi avec Julien Despaux qui lui s'occupait de profilage notamment et des 7 vies de Léa que l'on a vu également sur Netflix, je crois. Des explosions, des arrestations et des affrontements qui rythment l'intrigue soutenue par Ourika. Et c'est un polar musclé, mais c'est aussi une fresque familiale, puisqu'on va rentrer dans l'intimité de cette famille. D'un côté, la famille du flic, mais aussi la famille de ce délinquant et de cette famille qui est dealeuse de drogue. Voilà, donc on imagine bien que cette première saison de cet épisode va en appeler d'autres et que c'est le début d'une grande fresque policière et familiale qui vous emmènera de Paris à la vallée de l'Ourika. Savez-vous, messieurs, dames, où est la vallée de l'Ourika ? Un peu de géographie. La vallée de l'Ourika, eh bien, c'est une vallée du Haut Atlas marocain à une trentaine de kilomètres au sud-est de Marrakech. Voilà. Alors, on aurait pensé que ce soit une région froide. Oui, oui, c'est vrai, nom dit effectivement, fait plutôt penser comme à quoi, cela. Hein. Mais voilà, donc vous comprendrez pourquoi d'ailleurs cette série s'appelle Ourika et pourquoi on va aller dans la vallée de l'Ourika en suivant ces 7 premiers épisodes. C'est sur Amazon Prime, je vous l'ai dit, cet épisode à déguster sans modération, comme je vous le dis souvent. Sia revient, le single est sorti aujourd'hui. Incredible, et c'est avec un featuring Labyrinthe. Hey, you know the world gets tough. Say the word and I left you out. Yeah, I know. Say the word and I lift you up. Give me all your venom, yeah, I love that shit. Give it to me good, no, I won't get sick. Give me all your poison, I'm immune to it. I'm immune to it. Give me all your venom, yeah, I love that shit. Give it to me good, no, I won't get sick. Give me all your poison, I'm immune to it. Elle s'écoute super bien la chanson. Franchement, j'adore. Eh ben, écoute, ça tombe bien, c'était ton choix. Le choix de Manon, c'était Irrésistible. Irrésistible. Donc, le nouveau single de Sia qui est sorti aujourd'hui. Tout de suite, bienvenue au palais. Bienvenue au palais. Allez, je vous ai annoncé un dessin animé qui est sorti cette semaine, le 3 avril, sur Disney+. Et ça s'appelle Ivaju. Ivaju, vous allez me demander ce que ça veut dire. Eh bien, Ivaju, ça veut dire futur, avenir, en Yoruba, qui est un dialecte du Nigeria. Rien à voir avec Juvamine. Non, non. Ivaju se déroule dans un Lagos futuriste au Nigeria et va raconter les aventures de Tola, une jeune fille issue des beaux quartiers, et de son meilleur ami Kole, un petit génie autodidacte qui, lui, s'intéresse aux nouvelles technologies. Tous deux ne vont pas tarder à découvrir les secrets et les dangers cachés au sein de leurs milieux respectifs. Voici cette belle et jolie bande-annonce sur Disney+. Divaju. Par Disney Animation et les créateurs visionnaires de Kugali. Joyeux anniversaire. Je te présente Otin. Tu voulais un animal de compagnie ? Oui, quelle bonne idée ! Une mini-série ? Tu acceptes de m'emmener sur le continent ? Dans un Nigeria futuriste. Tu veux visiter le vrai Lagos ? Bienvenue à Lagos, Nigeria. Tola, ton père a l'air d'avoir bien réussi et de posséder une grosse fortune. Voilà comment on appâte quand on pêche du gros poisson. Otin, où est ma fille? Elle est sous ta responsabilité. Retrouve Tola. Fais bien attention. Le serpent est fourbe, il se cache dans le nid de l'oiseau. J'aime le danger, je me ris du danger. Salut toi, comment tu vas? Ah oui, tu te ris du danger? Tola, maintenant je sais qui tu es. Un lézard, c'est vrai que t'es plutôt chou. Je retire ce que j'ai dit. Voilà, une ambiance sympathique du classique Disney pour un projet qui date quand même déjà de quelques années et donc qui a repris vie et qui est dès maintenant disponible, qui a été disponible au début d'année 2024 sur Disney au niveau des États-Unis, qui arrive et voilà depuis le 3 avril sur Disney+ en France. Voilà ce beau petit cadeau que vous pourrez faire à vos chérubins. Une très bonne ambiance. Et alors, comment ne pas terminer avec la série de cette semaine? J'ai cru qu'il allait dire la série de 2024. Non, je me suis dit, on l'a déjà eu. Non, j'espère que ce sera pas pire. Je vais pas vous le faire. Là. D'ailleurs, je ne sais pas si en janvier prochain, je me risquerai à annoncer des séries de l'année, parce que j'avoue que toutes celles qu'on annonce souvent, bah, c'est pas forcément celle-là qui termine. Mais là, si tu fais allusion au problème à trois corps, c'est pas toi le premier qui a annoncé que ça allait être l'événement mondial. T'as juste répété ce que t'avais lu, concrètement. Oui, voilà, mais elle était quand même... On nous l'a teasé pendant deux ans, donc finalement, le teasing était pas forcément... À la hauteur du résultat. À la hauteur du résultat. Alors là, je vais vous parler de Fallout, qui est tiré d'un jeu vidéo également. C'est la mode. Hein. 200 ans après l'apocalypse, les gentils habitants des luxueux abris anti-atomiques sont contraints de retourner dans le paysage d'enfer irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux. Ils sont choqués de découvrir l'univers incroyablement complexe, joyeusement étrange et extrêmement violent qui les attend. Au programme, un monde post-apocalyptique, ravagé par les radiations, des mutants, de la violence. et on l'espère, une petite folie humoristique, car ce jeu était quand même plutôt avec beaucoup d'humour. Je ne sais pas si tu as connu, tu as déjà vu ce jeu-là ou pas. Pas du tout. Voilà, donc voici la bande-annonce de cette série qui sera diffusée sur Prime Video à partir de jeudi 11 avril. Ah, bonjour. Je vais vous faire découvrir un merveilleux endroit. Une véritable citadelle de l'ère nucléaire, qui n'est pas l'œuvre de notre Seigneur, mais de l'homme moderne. Devenez un héros en réservant dès aujourd'hui une place dans un abri Voltec. Parce que si le pire arrive demain, le monde aura besoin de vous pour bâtir une meilleure vie d'après. Il est important que tout le monde comprenne que les abris servent le bien commun. Pour remonter un jour à la surface et relancer la civilisation. Tu peux me dire ce qui s'est passé ces 200 dernières années ? Nom d'un chien, t'es une vraie habitante d'abri. C'est ça. Oh ! Je pensais que vous aviez tous crevé dans vos trous à rats. Tu te rends compte que c'est de la folie ? Ce n'est pas comme l'abri, c'est gigantesque. La semaine a été dure. Pratiquement toutes les personnes que j'ai croisées jusqu'à présent ont essayé de me tuer. Je vais simplement prélever vos organes. Vous ne devez pas rester là. Vous avez grandi dans un monde de lois et de règles. Vous ne devriez pas rester seul. Pourquoi as-tu rejoint la confrérie ? Pour me venger de ceux qui m'ont fait du mal. Vous allez être traqué. Il n'y a pas grand-chose qui soit resté propre ici, ma jolie. C'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Un océan rempli d'un sacré paquet de drogue. Quand on regarde ces terres désolées, tout ce qu'on voit, c'est du chaos. Mais il y a toujours quelqu'un aux commandes. Ils veulent tous sauver le monde, sauf que... ils sont pas d'accord sur la manière. Là, voilà. La petite tueuse. Voilà, c'est assez énigmatique, hein, cette bande-annonce. Énigmatique et original. Et original. Ça va changer de The Last of Us et compagnie. Voilà, c'est ça. C'est un jeu vidéo, mais différent. Et puis, alors, parmi les héros, on a comme héroïne Ella Purnell qui joue Lucie. Vous l'avez déjà peut-être vu, Ella, elle a une tête qui nous dit quelque chose. Et puis, alors, si je vous dis Kyle MacLachlan. C'est pas Twin Peaks ? Exactement. On ne peut rien te cacher, quelle mémoire. Il joue aussi dans Fallout. Voilà. Et donc, c'est donc à partir du 11 avril 2024, 8 épisodes, que l'on ne ratera donc sous aucun prétexte pour tous les fans de jeux et de séries un peu originales et avec de l'humour. On sent déjà un peu l'humour dans la bande-annonce et un peu le truc un peu barré quand même. Hein, avoir un petit peu dans l'esprit un peu Génération V, si vous avez aimé, je pense que vous pourriez aimer, Fallout. Alors si je peux me permettre, avec la participation de cet acteur, parce qu'en général, lui ne va pas n'importe où. Donc oui, c'est peut-être gage d'un certain cachet au niveau de cette série. Exactement, parce que Kyle MacLachlan, si je clique pour savoir un peu ce qu'il a fait, effectivement, il a travaillé énormément avec avec David Lynch notamment. Alors attends, est-ce que j'ai pas ça? Oui, attends, hop, je vais cliquer là-dessus. Deux petites secondes. Et on l'a vu jouer dans quoi aussi? La télévision, il a joué dans Roswell, effectivement, L'homme invisible, Sex and the City, il a participé à certains épisodes de Sex and the City, et puis ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu dans des séries. Oui, non, mais c'est quelqu'un qui n'est pas discret parce qu'il fait pas mal de choses. Ah, il avait même joué dans The Good Wife. Alors là, je ne me souviens pas. Alors peut-être que dans un épisode, il était invité... Dans quatre épisodes. Dans la saison 4 et 6, un peu dans la 4, un peu dans la 6, en 2013-2014. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé The Good Wife. Il a fait aussi des apparitions dans How I Met Your Mother. Mm. Oui, en fait, c'est un peu l'homme d'une seule vraie série, où il a porté la série, c'est effectivement Twin Peaks. Et depuis, il est guest. Il est guest un peu partout. Alors, ça se fait plus tellement, dans les années 80-90, on avait pas mal d'acteurs qui faisaient les guest stars. Lui fait partie de ce petit sérail-là. On a quelques acteurs qui continuent à pouvoir être, entre guillemets, être la vedette invitée. Et voilà, c'est pas qu'il se fait discret, mais là où il va, il y a une certaine importance. Et pour tous les fans de Vice Versa, il fait la voix de Riley, la version américaine, évidemment, ou anglaise, dans Vice Versa 2 qui sortira cet été, au mois de juin. Oui. Voilà. Allez, j'en ai fini pour l'émission. On se quitte avec Jennifer Lopez avec son nouveau single Can't Get Enough. Et n'oublie pas, après, c'est Charlie & Co. que vous retrouverez, bien sûr. Et moi, dans un peu moins d'une demi-heure, pour la révélation du nouveau numéro du Hot 40. À la semaine prochaine, messieurs, dames. À la semaine prochaine. Bon week-end, bonne semaine et l'écoute des programmes de Fadjet. Bye bye. Charlie & Co. Charlie & Co. Charlie & Co. Charlie & Co.